Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Syrie, Galilée, suite. Aussitôt hors des murs de Jaffa, on entre dans le grand désert d'Égypte. Décidé alors à aller au Caire par cette route, je fis partir un courrier pour El Arish, afin d'y louer des dromadaires pour passer le désert. La route de Jaffa au Caire peut se faire ainsi en 12 ou 15 jours, mais elle offre de grandes privations et de grandes difficultés. Les ordres du gouverneur de Jaffa, et l'obligeance des principaux habitants de la ville en relation avec ceux de Gaza et d'El Arish, les avaient beaucoup aplanis pour moi. Le gouverneur nous envoya quelques cavaliers et 8 fantassins, choisis parmi les hommes les plus braves et les plus policés du dépôt de troupes égyptiennes qui lui restaient. Ils campèrent cette nuit même à notre porte. Au lever de l'aurore, nous étions à cheval. Nous trouvâmes à la porte de la ville, du côté de Ramla, une foule de cavaliers appartenant à toutes les nations qui habitent Jaffa. Ils coururent le djeri autour de nous, et nous accompagnèrent jusqu'à une magnifique fontaine, ombragée de sycomores et de palmiers, qu'on rencontre à 1 heure de marche. Là, ils déchargèrent leurs pistolets en notre honneur, et reprirent le chemin de la ville. Il est impossible de décrire la nouveauté et la magnificence de végétation qui se déploie des deux côtés de cette route, en quittant Jaffa. À droite et à gauche, c'est une forêt variée de tous les arbres fruitiers et de tous les arbustes à fleurs de l'Orient. Cette forêt, divisée en compartiments par des haies de myrte, de jasmin et de grenadier, est arrosée de filets d'eau échappés des belles fontaines turques dont j'ai parlé. Dans chacun de ces enclos on voit un pavillon ouvert ou une tente, sous lesquels la famille qui les possède vient passer quelques semaines au printemps ou en automne. 3 piquets et un morceau de toile forment une maison de campagne pour ces heureuses familles. Les femmes couchent sur des nattes et sur des coussins sous la tente. Les hommes couchent en plein air sous la voûte des citronniers et des grenadiers. Les melons, les pastèques, les figues de 32 espèces, qui ombragent ces lieux enchantés, fournissent les tables. À peine y ajoute-t-on, de temps en temps, un agneau élevé par les enfants, et dont on fait, comme du temps de la Bible, le sacrifice au jour solennel. Jaffa est le lieu de tout l'Orient qu'un amant de la nature et de la solitude devrait choisir pour passer les hivers. Le climat est la transition la plus indécise entre les déserts dévorants de l'Égypte et les pluies des côtes de Syrie, en automne. Si j'étais maître de choisir mon séjour, j'habiterais le pied du Liban, Saïd, Beyrouth ou Latakie pendant le printemps et l'automne, les hauteurs du Liban pendant les chaleurs de l'été, rafraîchies par les vents de mer, par le souffle qui sort de la vallée des cèdres, et par le voisinage des neiges, et l'hiver, les jardins de Jaffa. Jaffa a quelque chose, dans son ciel et dans son sol, de plus grandiose, de plus solennel, de plus coloré, qu'aucun des sites que j'ai parcourus. L'œil ne s'y repose que sur une mer sans limite et bleue comme son ciel, sur les immenses grèves du désert d'Égypte, où l'horizon n'est interrompu de temps en temps que par le profil d'un chameau qui s'avance avec l'ondoiement d'une vague. Et sur les cimes vertes et jaunes des innombrables bois d'orangers qui se pressent autour de la ville. Tous les costumes des habitants ou des voyageurs qui animent ces routes sont pittoresques et étranges. Ce sont des bédouins de Jéricho ou de Tibériade, revêtus de l'immense plaid de laine blanche, des Arméniens aux longues robes rayées de bleu et de blanc, Des juifs de toutes les parties du globe et sous tous les vêtements du monde, caractérisés seulement par leur longue barbe, et par la noblesse et la majesté de leurs traits, peuple roi, mal habitué à son esclavage, et dans les regards duquel on découvre le souvenir et la certitude de grandes destinées, derrière l'apparente humiliation du maintien et l'abaissement de la fortune présente, des soldats égyptiens vêtus de vestes rouges, et tout à fait semblables à nos conscrits français par la vivacité de l'œil et la rapidité de la marche. On sent que le génie et l'activité d'un grand homme ont passé en eux, et les animent pour un but inconnu. Enfin, ce sont des agas turcs passant fièrement sur le chemin, montés sur des chevaux du désert, et suivis d'arabes et d'esclaves noirs, de pauvres familles de pèlerins grecs assis au coin d'une rue, mangeant dans une écuelle de bois le riz ou l'orge bouilli, qu'ils ménagent pour arriver jusqu'à la ville sainte, et de pauvres femmes juives à demi vêtues, et succombant sous l'énorme fardeau d'un sac de haillons, chassant devant elles des ânes dont les deux paniers sont pleins d'enfants de tout âge. Mais revenons à nous. Nous marchions gaiement, essayant de temps en temps la vitesse de nos chevaux contre celle des chevaux arabes que montaient messieurs Damiani et les fils du vice-consul de Sardaigne. Ces deux jeunes gens, fils d'un riche négociant arabe de Ramla établi maintenant à Jaffa, avaient voulu nous accompagner jusqu'à Ramla. Ils avaient envoyé, le matin, leurs esclaves pour nous préparer la maison de leur père et le souper. Nous étions suivis encore d'un autre personnage qui s'était joint volontairement à notre caravane, et qui nous surprit par la bizarre magnificence de son costume européen. C'était un petit jeune homme de 20 à 25 ans, d'une figure joviale et grotesque, mais fine et spirituelle. Il avait un immense turban de mousseline jaune, un habit vert de la forme de nos habits de cour, à collet droit et à large basque, brodé de larges galons d'or sur toutes les coutures, des pantalons collants de velours blanc, et des bottes à revers, ornées d'une paire d'éperons à chaîne d'argent. Un cangiar lui servait de couteau de chasse, et une paire de pistolets, incrusté de ciselures d'argent, sortait de sa ceinture et battait contre sa poitrine. Sorti d'Italie dans son enfance, il avait été jeté en Égypte par je ne sais quelle vague de fortune, et se trouvait, depuis quelques années, à Jaffa ou à Ramla, exerçant son art dans les montagnes de Judée aux dépens des cheiks et des bédouins, qui ne faisaient pas sa fortune. Sa conversation nous amusa beaucoup, et j'aurais désiré l'emmener avec moi à Jérusalem et dans les montagnes de la mer morte, qu'il paraissait connaître parfaitement, mais ayant vécu en Orient depuis plusieurs années, il y avait contracté l'invincible terreur que les Francs y prennent de la peste, et aucune de mes offres ne parvint à le séduire. En temps de peste, me dit-il, je ne suis plus médecin, je n'y connais qu'un remède, partir assez vite, aller assez loin, et demeurer assez longtemps pour que le mal ne puisse vous atteindre. Il avait l'air de nous regarder avec pitié, comme des victimes prédestinées à aller chercher la mort à Jérusalem, et d'un si grand nombre d'hommes que nous étions, il ne comptait en revoir que bien peu au retour. Il y a quelques jours, me dit-il, que je me trouvais à Acre. Un voyageur revenant de Bethléem frappa à la porte du couvent des Pères de Saint-François, ils ouvrirent, ils étaient sept. Le surlendemain, les portes du couvent étaient murées par l'ordre du gouverneur. Le pèlerin et les sept religieux étaient morts dans les 24 heures. Cependant nous commencions à apercevoir la tour et les minarets de Ramla, qui s'élevaient devant nous du milieu d'un bois d'oliviers dont les troncs sont aussi gros que ceux de nos plus vieux chênes. Ramla, anciennement Rama-Ephraïm, est l'ancienne Arimathie du Nouveau Testament. Elle renferme environ 2000 familles. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, vint y fonder un couvent latin qui subsiste encore. Les Arméniens et les Grecs y possèdent aussi des couvents pour le secours des pèlerins de leur nation qui vont en Terre Sainte. Les anciennes églises ont été converties en mosquées. Dans une des mosquées se trouve le tombeau en marbre blanc du Mamelouk Ayoubet, qui s'enfuit d'Égypte à l'arrivée des Français, et mourut à Ramla. En entrant dans la ville, nous nous informons si la peste y exerçait déjà ses ravages. Deux religieux, arrivés de Jérusalem, venaient d'y mourir dans la journée. Le couvent était en quarantaine. Nos nouveaux amis de Jaffa nous conduisirent à leur maison, située au milieu de la ville. Un arabe, ancien chaudronnier, dit-on, mais aimable et excellent homme, habitait la moitié de cette même maison, et exerçait les fonctions d'agent consulaire pour je ne sais quelle nation d'Europe. Cela lui donnait le droit d'avoir un drapeau européen sur le toit de sa maison. C'est la sauvegarde la plus certaine contre les avanies des Turcs et des Arabes. Un excellent souper nous attendait. Nous eûmes le plaisir de trouver des chaises, des lits, des tables, tous les ustensiles de l'Europe, et nous emportâmes encore une provision de pain frais que nous dûmes à l'obligeance de nos hôtes. Le lendemain matin, nous prîmes congé de tous nos amis de Jaffa et de Ramla, qui ne nous accompagnèrent pas plus loin, et nous partîmes, escortés seulement de nos cavaliers et de nos fantassins égyptiens. J'établis ainsi l'ordre de la marche. Deux cavaliers en avant, à environ 50 pas de la caravane, pour écarter les Arabes ou les pèlerins juifs que nous aurions pu rencontrer, et les tenir à distance de nos hommes et de nos chevaux. À droite et à gauche, sur nos flancs, les soldats à pied. Nous marchions un à un à la file, sans déranger l'ordre, les bagages au milieu. Une petite escouade de nos meilleurs cavaliers formait l'arrière-garde, avec ordre de ne laisser ni homme ni mulet en arrière. À l'aspect d'un corps d'arabe suspect, la caravane devait faire halte et se mettre en bataille, pendant que les cavaliers, les interprètes et moi, nous irions faire une reconnaissance. De cette manière, nous avions peu à craindre des bédouins et de la peste, et je dois dire que cet ordre de marche fut observé par nos soldats égyptiens, par nos cavaliers turcs et par nos propres arabes, avec un scrupule d'obéissance et d'attention qui ferait honneur au corps le mieux discipliné de l'Europe. Nous le conservâmes pendant plus de 25 jours de route, et dans les positions les plus embarrassantes. Je n'eus jamais une réprimande à adresser à personne. C'est à ces mesures que nous dûmes notre salut. Quelque temps après le coucher du soleil, nous arrivâmes au bout de la plaine de Ramla, auprès d'une fontaine creusée dans le roc, qui arrose un petit champ de courges. Nous étions au pied des montagnes de Judée. Une petite vallée, de 100 pas de largeur, s'ouvrait à notre droite. Nous y descendîmes. C'est là que commence la domination des Arabes brigands de ces montagnes. Comme la nuit s'approchait, nous jugeâmes prudent d'établir notre camp dans cette vallée. Nous plantâmes nos tentes à environ 200 pas de la fontaine. Nous posâmes une garde avancée sur un mamelon qui domine la route de Jérusalem, et pendant qu'on nous préparait à souper, nous allâmes chasser des perdrix sur des collines en vue de nos tentes, nous en tuâmes quelques-unes, et nous fîmes partir, du sein des rochers, une multitude de petits aigles qui les habitent. Ils s'élevaient en tournoyant et en criant sur nos têtes, et revenaient sur nous après que nous avions tiré sur eux. Tous les animaux ont peur du feu et de l'explosion des armes. L'aigle seul paraît les dédaigner et jouer avec le péril, soit qu'il l'ignore, soit qu'il le brave. J'ai admiré, du haut d'une de ces collines, le coup d'œil pittoresque de notre camp, avec nos piquets de cavaliers arabes sur le mamelon, nos chevaux attachés çà et là autour de nos tentes, nos moucres assis à terre et occupés à nettoyer nos harnais et nos armes, et la flamme de notre feu perçant à travers la toile d'une de nos tentes, et répandant sa légère fumée bleue en colonne que le vent inclinait. Combien j'aimerais cette vie nomade sous un pareil ciel, si l'on pouvait conduire avec soi tous ceux qu'on aime et qu'on regrette sur la terre. La terre entière appartient au peuple pasteur et errant comme les Arabes de Mésopotamie. Il y a plus de poésie dans une de leurs journées que dans des années entières de nos vies de cité. En demandant trop de choses à la vie civilisée, l'homme se cloue lui-même à la terre. Il ne peut s'en détacher sans perdre ses innombrables superfluités dont l'usage lui a fait des besoins. Nos maisons sont des prisons volontaires. Je voudrais que la vie fût un voyage sans fin, comme celui-ci, et si je ne tenais à l'Europe par des affections, je le continuerais tant que mes forces et ma fortune le comporteraient. Nous étions là sur les confins des tribus d'Éphraïm et de Benjamin. Le puits près duquel nos tentes étaient dressées s'appelle encore le puits de Job. Nous partons avant le jour, nous suivons, pendant 2 heures, une vallée étroite, stérile et rocailleuse, célèbre par les déprédations des Arabes. C'est le lieu des environs le plus exposé à leurs courses. Ils peuvent y arriver par une multitude de petites vallées sinueuses, cachées par le dos des collines inhabitées, se tenir en embuscade derrière les rochers et les arbustes, et fondre à l'improviste sur les caravanes. Le célèbre Abou Ghosh, chef des tribus arabes de ces montagnes, tient la clé de ces défilés, qui conduisent à Jérusalem. Il les ouvre ou les ferme à son gré, et rançonne les voyageurs. Son quartier général est à quelques lieues de nous, au village de Jérémie. Nous nous attendons à chaque instant à voir paraître ses cavaliers. Nous ne rencontrons personne, excepté un jeune aga, parent du gouverneur de Jérusalem, monté sur une jument de toute beauté, et accompagné de 7 ou 8 cavaliers. Il nous salua poliment, et se rangea, avec sa suite, pour nous laisser passer, sans toucher nos chevaux ni nos vêtements. Environ à 1 heure de Jérémie, la vallée se rétrécit davantage, et des arbres couvrent le chemin de leurs rameaux. Il y a là une ancienne fontaine et les restes d'un kiosque ruiné. On gravit pendant 1 heure par un sentier escarpé et inégal, creusé dans le rocher, au milieu des bois, et l'on aperçoit tout à coup le village et l'église de Jérémie à ses pieds, sur le revers de la colline. L'église, maintenant mosquée, paraît avoir été construite avec magnificence dans le temps du royaume de Jérusalem, sous les Lusignans. Le village est composé de 40 à 50 maisons, assez vastes, suspendu sur le penchant de 2 coteaux qui embrassent la vallée. Quelques figuiers disséminés, quelques champs de vignes annoncent une espèce de culture. Nous voyons des troupeaux répandus autour des maisons. Quelques Arabes, revêtus de magnifiques cafetans, fument leurs pipes sur la terrasse de la maison principale, à 100 pas du chemin par lequel nous descendons. 15 à 20 chevaux, scellés et bridés, sont attachés dans la cour de la maison. Aussitôt que les Arabes nous aperçoivent, ils descendent de la terrasse, montent à cheval, et s'avancent au petit pas vers nous. Nous nous rencontrons sur une grande place inculte qui fait face au village, et qu'ombrage 5 ou 6 beaux figuiers. C'était le fameux Abou Ghosh et sa famille. Il s'avança seul avec son frère au-devant de moi. Sa suite resta en arrière. Je fis à l'instant arrêter aussi la mienne, et je m'approchai avec mon interprète. Après les saluts d'usage et les compliments interminables qui précèdent toute conversation avec les Arabes, Abou Ghosh me demanda si je n'étais pas l'émir franc que son amie Lady Stanhope, la reine de Palmyre, avait mis sous sa protection, et au nom de qui elle lui avait envoyé la superbe veste de drap d'or dont il était vêtu, et qu'il me montra avec orgueil et reconnaissance. J'ignorais ce don de Lady Stanhope, fait si obligeamment en mon nom, mais je répondis que j'étais en effet l'étranger que cette femme illustre avait confié à la générosité de ses amis de Jérémie, que j'allais visiter toute la Palestine, où la domination d'Abou Ghosh était reconnue, et que je le priai de donner les ordres nécessaires pour que Lady Stanhope n'eût pas de reproches à lui adresser. À ces mots, il descendit de cheval, ainsi que son frère. Il appela quelques cavaliers de sa suite, et leur ordonna d'apporter des nattes, des tapis et des coussins, qu'il fit étendre sous l'ombre d'un grand figuier dans le champ même où nous étions, et nous pria avec de si vives instances de descendre nous-mêmes de cheval et de nous asseoir sur ce divan rustique, qu'il nous fut impossible de nous y refuser. Comme la peste régnait à Jérémie, Abou Ghosh, qui savait que les Européens étaient en quarantaine, eut soin de ne pas toucher nos vêtements, et il établit son divan et celui de ses frères vis-à-vis de nous, à une certaine distance. Quant à nous, nous n'acceptâmes que les nattes de paille et de jonc, parce qu'elles sont censées ne pas communiquer la contagion. On apporta le café et les sorbets. Nous eûmes une assez longue conversation générale, puis Abou Ghosh me pria d'éloigner ma suite et éloigna lui-même la sienne, pour me communiquer quelques renseignements secrets que je ne puis consigner ici. Après avoir causé ainsi quelques minutes, nous fîmes rapprocher, lui ses frères, moi mes amis. « Connaît-on mon nom en Europe ?» me demanda-t-il. « Oui, lui dis-je, les indices que vous êtes un brigand, pillant et massacrant les caravanes, en menant les Francs en esclavage, et l'ennemi féroce des chrétiens. Les autres assurent que vous êtes un prince vaillant et généreux, réprimant le brigandage des Arabes des montagnes, assurant les routes, protégeant les caravanes, l'ami de tous les Francs qui sont dignes de votre amitié. Et vous, me dit-il en riant, que direz-vous de moi ? Je dirai ce que j'ai vu, lui répondis-je. Que vous êtes aussi puissant et aussi hospitalier qu'un prince des Francs, qu'on vous a calomnié, et que vous méritez d'avoir pour amis tous les Européens qui, comme moi, ont éprouvé votre bienveillance et la protection de votre sabre. Abou Ghosh parut enchanté, son frère et lui me firent encore un grand nombre de questions sur les usages des Européens, sur nos habits, sur nos armes, qu'ils admiraient beaucoup, et nous nous séparâmes. Au moment de nous quitter, il donna ordre à un de ses neveux et à quelques cavaliers de se mettre à la tête de notre caravane, et de ne pas me quitter pendant tout le temps que je resterais, soit à Jérusalem, soit dans les environs. Je le remerciai, et nous partîmes. Abou Ghosh règne de fait sur environ 40 000 Arabes des montagnes de la Judée, depuis Ramla jusqu'à Jérusalem, depuis Hébron jusqu'aux montagnes de Jéricho. Cette domination, qui s'est perpétuée dans sa famille depuis quelques générations, n'a d'autre titre que sa puissance même. En Arabie, on ne discute pas l'origine ou la légitimité du pouvoir. On le reconnaît, on lui est soumis pendant qu'il existe. Une famille est plus ancienne, plus nombreuse, plus riche, plus brave que les autres, Le chef de cette famille devient naturellement plus influent sur la tribu. La tribu elle-même, mieux gouvernée, plus habilement ou plus vaillamment conduite à la guerre, devient dominante sans contestation. Telle est l'origine de toutes ces suprématies de chefs et de tribus que l'on reconnaît partout en Asie. La puissance se forme et se conserve comme une chose naturelle, tout découle de la famille, et, une fois le fait de cet ascendant reconnu et constaté dans les mœurs et les habitudes, nul ne le conteste. L'obéissance devient quelque chose de filial et de religieux. Il faut de grands événements et d'immenses infortunes pour renverser une famille, et cette noblesse, pour ainsi dire volontaire, se conserve pendant des siècles. On ne comprend bien le régime féodal qu'après avoir visité ces contrées. On voit comment s'étaient formées, dans le Moyen Âge, toutes ces familles, toutes ces puissances locales qui régnaient sur des châteaux, sur des villages, sur des provinces. C'est le premier degré de civilisation. À mesure que la société se perfectionne, ces petites puissances sont absorbées par de plus grandes, les municipalités naissent, pour protéger le droit des villes contre l'ascendant décroissant des maisons féodales. Les grandes royautés s'élèvent, qui détruisent à leur tour les petits villages municipaux sans utilité. Puis viennent les autres faces sociales, dont les phénomènes sont innombrables et ne nous sont pas encore tous connus. Nous voilà bien loin d'Abou Ghosh et de son peuple de brigands organisés. Son neveu marchait devant nous sur la route de Jérusalem. À 1 mille environ de Jérémie, il quitta la route et se jeta sur la droite, dans des sentiers de rochers qui sillonnent une montagne couverte de myrtes et de terre éteinte. Nous le suivîmes. Les nouvelles de Jérusalem, que nous avait données Abou Ghosh, étaient telles, qu'il y avait pour nous impossibilité absolue d'y entrer. La peste y augmentait à chaque instant, 60 à 80 personnes y succombaient tous les jours. Tous les hospices, tous les couvents étaient fermés. Nous avions pris la résolution d'aller d'abord dans le désert de Saint-Jean-Baptiste, à 2 lieues environ de Jérusalem, dans les montagnes les plus escarpées de la Judée. De demander là un asile de quelques jours au couvent des religieux latins qui y résident, et d'agir ensuite selon les circonstances. C'était la route de cette solitude que le neveu d'Abou Ghosh nous faisait prendre. Après avoir marché environ 2 heures par des sentiers affreux et sous un soleil dévorant, nous trouvâmes, au revers de la montagne, une petite source et l'ombre de quelques oliviers. Nous y fîmes halte. Le site était sublime. Nous dominions la noire et profonde vallée de terre éteinte, où David, avec sa fronde, tua le géant philistin. La position des deux armées est tellement décrite dans la circonscription de la vallée et dans la pente et la disposition du terrain, qu'il est impossible à l'œil d'hésiter. Le torrent à sec sur les bords duquel David ramassa la pierre traçait sa ligne blanchâtre au milieu de l'étroite vallée, et marquait, comme dans le récit de la Bible, la séparation des deux camps. Je n'avais là ni Bible ni voyage à la main, personne pour me donner la clé des lieux et le nom antique des vallées et des montagnes. Mais mon imagination d'enfance était si vivement et avec tant de vérité représentée la forme des lieux, l'aspect physique des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, d'après les récits et les gravures des livres saints, que je reconnus tout de suite la vallée de Térébinthe et le champ de bataille de Séil. Quand nous fûmes au couvent, je n'eus qu'à me faire confirmer par les pères l'exactitude de mes prévisions. Mes compagnons de voyage ne pouvaient le croire. La même chose m'était arrivée à Séphora, au milieu des collines de la Galilée. J'avais désigné du doigt et nommé par son nom une colline surmontée d'un château ruiné, comme le lieu probable de la naissance de la Vierge. Le lendemain, la même chose encore m'arriva pour la demeure des Maccabées à Meudun. En passant au pied d'une montagne aride surmontée de quelques débris d'aqueduc, je reconnus le tombeau des derniers grands citoyens du peuple juif, et je disais vrai sans le savoir. L'imagination de l'homme est plus vraie qu'on ne le pense. Elle ne bâtit pas toujours avec des rêves, mais elle procède par des assimilations instinctives de choses et d'images qui lui donnent des résultats plus sûrs et plus évidents que la science et la logique. Excepté les vallées du Liban, les ruines de Baalbek, les rives du Bosphore à Constantinople, et le premier aspect de Damas du haut de l'anti-Liban, je n'ai presque jamais rencontré un lieu et une chose dont la première vue ne fut pour moi comme un souvenir. Avons-nous vécu deux fois ou mille fois? Notre mémoire n'est-elle qu'une glace ternie que le souffle de Dieu ravive? Ou bien avons-nous, dans notre imagination, la puissance de pressentir et de voir avant que nous voyons réellement? Questions insolubles. À 2 heures après-midi, nous descendons les pentes escarpées de la vallée de Térébinthe, nous passons à sec le lit du torrent, et nous montons, par des escaliers taillés dans le roc, au village arabe de Saint-Jean-Baptiste, que nous apercevons devant nous. Des Arabes à la physionomie féroce nous regardent du haut des terrasses de leurs maisons. Les enfants et les femmes se pressent autour de nous dans les rues étroites du village. Les religieux, épouvantés du tumulte qu'ils voient du haut de leurs toits, du nombre de nos chevaux et de nos hommes, et de la peste que nous leur apportons, refusent d'ouvrir les portes de fer du monastère. Nous revenons sur nos pas, pour aller camper sur une colline voisine du village. Nous maudissons la dureté de cœur des moines, j'envoie mon droguement parlementer encore avec eux et leur adresser les reproches qu'ils méritent. Pendant ce temps, la population tout entière descend des toits. Les cheikhs nous enveloppent, et mêlent leurs cris sauvages au hennissement de nos chevaux épouvantés. Une horrible confusion règne dans toute notre caravane. Nous armons nos fusils. Le neveu d'Abou Ghosh, monté sur le toit d'une maison voisine du couvent, s'adresse tour à tour aux religieux et au peuple. Enfin nous obtenons, par capitulation, l'entrée du couvent. Une petite porte de fer s'ouvre pour nous, nous passons, en nous courbant, un à un, nous déchargeons nos chevaux, que nous faisons passer après nous. Le neveu d'Abou Ghosh et ses cavaliers arabes restent dehors, et campent à la porte. Les religieux, palais troublés, tremblent de nous toucher, nous les rassurons en leur donnant notre parole que nous n'avons communiqué avec personne depuis Jaffa, et que nous n'entrerons pas à Jérusalem tant que nous serons dans l'asile que nous leur empruntons. Sur cette assurance, les visages irrités reprennent de la sérénité. On nous introduit dans les vastes corridors du monastère. Chacun de nous est conduit dans une petite cellule pourvue d'un lit et d'une table, et ornée de quelques gravures espagnoles de sujets pieux. On fait camper nos soldats, nos arabes et nos chevaux dans un jardin inculte du couvent. L'orge et la paille sont jetées par-dessus les murailles. On tue pour nous, dans la rue, des moutons et un veau envoyés en présent par Abou Ghosh. Et, pendant que mon cuisinier arabe prépare, avec les frères servants, notre repas dans la cuisine du couvent, chacun de nous va prendre un moment de repos dans sa cellule rafraîchie par la brise des montagnes, ou contempler la vue étrange qui entoure le monastère. Le couvent de Saint-Jean dans le désert est une succursale du couvent latin de Terre Sainte à Jérusalem. Ceux des religieux dont l'âge, les infirmités, ou les goûts de retraite plus profondes, font des cénobites plus volontaires, sont envoyés dans cette maison. La maison est grande et belle, entourée de jardins taillés dans le rocher, de cours, de pressoirs pour faire l'excellent vin de Jérusalem. Il y avait une vingtaine de religieux quand nous y vîmes. La plupart étaient des vieillards espagnols ayant passé la plus grande partie de leur vie dans l'exercice des fonctions de curé, soit à Jérusalem, soit à Bethléem, soit dans les autres villes de la Palestine. Quelques-uns étaient des novices assez récemment arrivés de leur couvent d'Espagne. Les 8 ou 10 jours que nous avons passés avec eux nous ont laissé la meilleure impression de leur caractère, de leur charité et de la pureté de leur vie. Le Père supérieur surtout est le modèle le plus accompli des vertus du chrétien. Simplicité, douceur, humilité, patience inaltérable, obligeance toujours gracieuse, zèle toujours opportun, soins infatigables des frères et des étrangers sans exception de rang ou de richesse, foi naturelle, agissante et contemplative à la fois, sérénité d'humeur, et de parole et de visage, qu'aucune contrariété ne pouvait jamais altérer. C'est un de ces rares exemples de ce que peut produire la perfection du principe religieux sur une âme d'homme. L'homme n'existe plus que dans sa forme visible. L'âme est déjà transformée en quelque chose de surhumain, d'angélique, de déifié, qui fuit l'admiration, mais qui la commande. Nous fûmes tous également frappés, maîtres et domestiques, chrétiens ou arabes, de la sainteté communicative de cet excellent religieux. Son âme semblait s'être répandue sur tous les pères et les frères du couvent, car, à des degrés différents, nous admirâmes dans tous un peu des qualités du supérieur, et cette maison de charité et de paix nous a laissé un ineffaçable souvenir. L'état monacal, dans l'époque où nous sommes, a toujours profondément répugné à mon intelligence et à ma raison, mais l'aspect du couvent de Saint-Jean-Baptiste serait propre à détruire ces répugnances s'il n'était une exception, et si ce qui est contraire à la nature, à la famille, à la société, pouvait jamais être une institution justifiable. Les couvents de Terre Sainte ne sont pas au reste dans ce cas. Ils sont utiles au monde par l'asile qu'ils offrent aux pèlerins d'Occident, par l'exemple des vertus chrétiennes qu'ils peuvent donner au peuple qui ignore ces vertus. Enfin par les rapports qu'ils entretiennent seuls entre certaines parties de l'Orient et les nations de l'Occident. Les pères nous réveillèrent vers le soir pour nous conduire au réfectoire, où leurs serviteurs et les nôtres avaient préparé notre repas. Ce repas, comme celui de tous les jours que nous passâmes dans ce couvent, consistait en omelette, en morceaux de mouton enfilés dans une brochette de fer et rôti au feu, et en pilaux de riz. On nous donna, pour la première fois, d'excellents vins blancs des vignes des environs, c'est le seul vin qui soit connu en Judée. Les pères du désert de Saint-Jean-Baptiste sont les seuls qui sachent le faire, ils en fournissent à tous les couvents de la Palestine. J'en achetai un petit baril, que j'expédiai en Europe. Pendant le repas, tous les religieux se promenaient dans le réfectoire, causant tour à tour avec nous. Le Père supérieur veillait à ce que rien ne nous manquât, nous servait souvent de ses propres mains, et allait nous chercher, dans les armoires du couvent, les liqueurs, le chocolat, et toutes les petites friandises qui lui restaient du dernier vaisseau arrivé d'Espagne. Après le souper, nous montâmes avec eux sur les terrasses du monastère. C'est la promenade habituelle des religieux en temps de peste, et ils restent souvent reclus ainsi pendant plusieurs mois de l'année. Au reste, nous disait-il, cette réclusion nous est moins pénible que vous ne pensez, car elle nous donne le droit de fermer nos portes de fer aux Arabes du pays, qui nous importunent sans cesse de leurs visites et de leurs demandes. Lorsque la quarantaine est levée, le couvent est toujours plein de ces hommes insatiables. Nous aimons mieux la peste que la nécessité de les voir. Je le compris après les avoir moi-même connus. Le village de Saint-Jean-du-Désert est sur un mamelon entouré de toutes parts de profondes et sombres vallées dont on n'aperçoit pas le fond. Les flancs de ces vallées, qui font face de tous les côtés aux fenêtres du couvent, sont taillés presque à pic dans le rocher gris qui leur sert de base. Ces rochers sont percés de profondes cavernes que la nature a creusées, et que les solitaires des premiers siècles ont approfondies pour y mener la vie des aigles ou des colombes. Çà et là, sur des pentes un peu moins roides, on voit quelques plantations de vignes qui s'élèvent sur les troncs des petits figuiers, et retombent en rampant sur le roc. Voilà l'aspect de toutes ces solitudes. Une teinte grise, tachetée d'un vert jaune, couvre tout le paysage, du toit du couvent, on plonge de toutes parts sur des abîmes sans fond. Quelques pauvres maisons d'arabes mahométans et chrétiens sont groupées sur les rochers, à l'ombre du monastère. Ces arabes sont les plus féroces et les plus perfides de tous les hommes. Ils reconnaissent l'autorité d'Abou Ghosh. Le nom d'Abou Ghosh fait pâlir les moines. Ils ne pouvaient comprendre par quelle puissance de séduction ou d'autorité ce chef nous avait accueillis ainsi, et donné son propre neveu pour guide. Ils soupçonnaient en ceci quelque grande intelligence diplomatique, et ne cessaient de me demander ma protection auprès du tyran de leur tyran. Nous rentrâmes lorsque la nuit fut venue, et passâmes la soirée dans le corridor du couvent, dans de douces conversations avec l'excellent supérieur et les bons pères espagnols. Ils étaient étrangers à tout, aucune nouvelle d'Europe ne franchit ces inaccessibles montagnes. Il leur était impossible de comprendre quelque chose à la nouvelle révolution française. Enfin, disaient-ils pour conclusion à tous nos récits, pourvu que le roi de France soit catholique et que la France continue à protéger les couvents de Terre Sainte, tout va bien. Ils nous firent voir leur église, charmante petite nef bâtie à l'endroit où naquit le précurseur du Christ, et ornée d'un orgue, ainsi que de plusieurs tableaux médiocres de l'école espagnole. Le lendemain, nous ne pûmes résister au désir de jeter au loin un regard sur Jérusalem. Nous fîmes nos conditions avec les pères, il fut convenu que nous laisserions au monastère une partie de nos gens, de nos chevaux et de nos bagages, que nous ne prendrions avec nous que les cavaliers d'Abou Ghosh, les soldats égyptiens, et les domestiques arabes indispensables aux soins de nos chevaux de selle, que nous n'entrerions pas dans la ville, que nous nous bornerions à en faire le tour, en évitant le contact avec les habitants, que dans le cas où, par accident ou autrement, ce contact aurait eu lieu, nous ne demanderions plus à rentrer au couvent, mais que nous retirerions nos effets et notre monde, et camperions dans les environs de Jérusalem. Ces conditions acceptées, et sans autre gage que notre parole et notre véracité, nous partîmes. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.